Voilà, dernier extrait de cette compilation de chez Ugum, Ugum partout, Euribia, The Beginning, et oui, un petit clin d'œil façon Sportouche, on termine par la fin, on commence par le début, The Beginning, Euribia. Ils étaient de passage à Lyon il y a de ça 15 jours, et votre humble serviteur, bonjour Stéphane, le Corse, au passage, ça c'est une petite parenthèse, je la referme à cause des courants d'air. Je disais donc, ils étaient de passage à Lyon il y a de cela 15 jours, et votre humble serviteur les a rencontrés. Malheureusement, une interview n'a pas été possible puisque l'émission était vraiment trop loin, mais ils nous ont laissé en avant-première leur démo, leur première cassette. Ils s'appellent Forever, c'est des Canadiens, ils sont originaires de Toronto, et l'ami Clandreau, qui est un des membres du groupe, qui officie au clavier, à la basse ainsi qu'aux vocaux, a été tout à fait ravi de pouvoir passer un extrait de cette démo sur les ondes de Bande à Part et Brume. Donc on lui donne un petit coucou puisqu'il écoutera cette émission en différé, ainsi que l'ami Stéphane, bis. Voilà, et je vous laisse maintenant en compagnie de Forever. Vous allez voir, c'est une très très bonne compagnie. Brighter day, this day is- put away our sorrow. And maybe tomorrow we'll put away the past. And maybe tomorrow we can start to make a brighter day. This day has come at last to put away our sorrow. Je trouve ça vraiment excellent, Forever, donc un petit groupe de Toronto bien sympathique, cassette démo disponible auprès du groupe ou tout simplement auprès d'Acid Dragon, puisque ce groupe sera chroniqué dans le prochain Acid Dragon apparaît en avril, ça y est j'ai fait ma pub. Un groupe vraiment talentueux à suivre de très très près, je pense qu'ils vont faire des choses vraiment très fortes puisque ce n'est qu'une cassette démo, Forever, le titre Maybe Tomorrow. Voilà, on continue avec un autre groupe tout jeune qui vient cette fois-ci de Suède. Une autre preuve, s'il était vraiment besoin, de la vitalité de la scène progressive. Et oui, monsieur Art Force Magazine et le rock progressif se portent très très bien. Ce n'est jamais aussi bien porté que ces derniers temps. Une pléiade de groupes, une pléiade de rééditions, des concerts à ne plus savoir qu'en faire, des magazines de tout partout, des démos, que sais-je encore, on n'en peut plus et même Musea qui frise bientôt les 300 publications. C'est du délire. Anecdoten, je reviens donc à la Suède, et un petit peu le cousin d'Anglagard. Souvenez-vous, ce groupe qui avait vraiment fait sensation dans le milieu progressif, un groupe héritier de Crimson, le premier Crimson, In the Court of, Anecdoten, eh bien, enfonce un peu plus le clou. Certes, un petit peu moins de mélotron, un peu plus de guitare, mais ce n'est pas pour nous déplaire. Et que tout coûtait bien, car après Anecdoten, une petite question pour, comme chaque mois, gagner un petit cadeau progressif. Anecdoten. We'll be right back. toss, summer turns to fall. The birds will cease to sing and chant and follow with the call. It's getting clearer and the truth are sparingly reveals. I've drifted imperceptibly out to Anecdoten, c'est vraiment excellent. V-Mod, ne me demandez pas la signification. En tout cas, c'est le titre de leur premier album. Anecdoten, vous trouverez ça chez Musea, bien sûr. Avant de lancer le troisième coup de cœur, le premier étant donc la compilation Ugum, ensuite Anecdoten, avant de lancer donc le troisième coup de cœur qui est une réédition d'un groupe argentin, décidément l'Argentine n'a pas fini de nous étonner, et Spiritu, la petite question pour gagner au choix un Acid Dragon ou un Harmony, soit que vous sachiez lire en français ou en anglais, ou les deux mon général. La question elle est la suivante, Forever, le petit groupe canadien de tout à l'heure, dont vous avez la prime... eu la possibilité donc d'écouter. Forever est originaire de quelle ville au Canada? Attention, 78 89 45 05, 78 89 45 05, quelle est la ville d'origine de Forever? Je lance tout de suite avant de décrocher le téléphone, ça sonne déjà. Donc Espiritu, un groupe argentin enfin réédité et disponible chez Musea. Thank you. Je me la remplis, sont battus nos frères, nos ennemis, je me la remplis. bon vent, claquant de vie. Le soleil brûle vos gants de fer, c'est un grand jour que celui-ci. Mais permettez, mon humble père, que je vous laisse à tout ceci. La route est longue jusqu'aux frontières, je devrais voyager de vie. Sans venu misère et longue vie, je veux l'amener. Tant de pierres pour faire des villes. change notre vie jusqu'au plus petit détail tout en bas. Et qu'ils viennent danser sur des heures blanches pour qu'on les oublie pas. T'avais même pas 80 saisons derrière tes pas. Que tu lançais toujours devant toi, je suis laissé ramasser.